Là, c'est la photo de mon anniversaire. J'avais 12 ans. Oh, mon premier flirt au bal du 14 juillet. La photo de mon mariage. Celle-là, c'était en mars, au dîner des anciens. Forcément, un jour, tout s'arrête. Ne laissez pas mourir vos convictions. Quand vous faites un leg à Médecins du Monde, votre engagement continue. Et là, c'est le docteur qui me soigne. Lui, c'est mon cousin Babou. Lui aussi, on le soigne. Médecins du Monde, léguez-nous vos volontés. Demandez votre brochure sur leg.medecinsdumonde.org. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Que faisons-nous du débat public? C'est la journée spéciale sur France Culture. Aujourd'hui, réseaux sociaux, culture, médias. Oui, une journée spéciale, l'occasion de regarder par le passé. Qu'en était-il de la prise de parole autrefois? Oui, comment s'exprimait l'opinion publique? D'ailleurs, l'opinion publique existe-t-elle et surtout, est-elle entendue? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Au fin fond du débat public veille celle que l'orateur appelle quand il rencontre des difficultés à faire passer ses idées, quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir. L'opinion publique. Dès la Révolution française, les petits textes se multiplient. Ils sont imprimés et intitulés à l'opinion publique, comprendre un appel à l'opinion publique. Par exemple, le 28 Vendémiaire en 7, à l'opinion publique, nous étions en 1798, ou encore à l'opinion publique sur les émeutes des 14, 15, 16 et 17 juin, comprendre les émeutes de juin 1832, ou encore à l'opinion publique, mémoire du capitaine Joubert, cette fois-ci c'est en 1844, et il s'intéresse au traitement temporaire de réforme, ou encore à l'opinion publique, le citoyen Louis Blanc dans les journées du 15 mai, la journée du 15 mai 1848. Faire appel à l'opinion publique, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que l'opinion publique d'ailleurs existe-t-elle? Pour Pierre Bourdieu, le sociologue, non, elle n'existe pas. Et pourtant, ils sont si nombreux à avoir cherché. Quelle est cette opinion publique? Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous sommes intéressés à une histoire du travail à domicile, 4 épisodes à écouter et podcaster en ligne sur les sites internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien sur l'application Radio France. Et aujourd'hui, à l'occasion de la journée spéciale Que faisons-nous du débat public? Eh bien, une histoire de la prise de parole avec vous, Benoît Agnès. Bonjour. Bonjour, Xavier Mauduit. Vous êtes chercheur associé au Centre d'Histoire du 19e siècle, donc qui associe les universités Panthéon-Sorbonne et Sorbonne Université. Vous enseignez à la Cité scolaire Marie Curie de Sceaux et vous êtes l'auteur de L'appel au pouvoir, les pétitions au Parlement en France et au Royaume-Uni, 1814-1848. Benoît Agnès, faut tout de suite préciser ce que sont ces pétitions. Nous avons encore, nous, l'image de la pétition contemporaine, sortie du métro, on nous demande une signature, ou alors dans les bureaux, on fait une pétition. Quelles étaient ces pétitions du 19e siècle? Ces pétitions du 19e siècle, elles étaient d'abord bien souvent des pétitions individuelles, en tout cas pour le cas français. On parlera peut-être à un moment donné du cas britannique, puisque dans le thème de l'émission, je n'ai pas vu franchement de limitation au seul cas français, et il faut de toute façon, me semble-t-il, replacer cette étude dans le cas européen. Pour se limiter aux pétitions françaises, elles sont encore beaucoup individuelles. Pour quelle raison? C'est tout simplement parce qu'elles se limitent, elles sont liées à un certain héritage, en fait, un certain héritage historique, à une certaine tradition et à certaines contraintes coutumières. Et ces contraintes coutumières n'ont pas totalement disparu après la Révolution française. À partir de là, ces pétitions individuelles sont encore nombreuses, mais on peut remarquer, comme les vagues sur la plage au moment où la marée monte, le flot montant des pétitions collectives qui arrivent, ce flot montant qui tantôt fait de petites vaguelettes, tantôt fait des vagues beaucoup plus importantes qui font monter sur la plage ce pétitionnement collectif que nous connaissons aujourd'hui et qui est devenu une forme de norme de pétition. Oui, voilà. Avant les réseaux sociaux, il y avait des recherches de moyens. Comment s'exprimer? Comment va-t-on dire que nous ne sommes pas contents? Et puis comment le dire au plus grand nombre? Voilà, le phénomène pétitionnaire en est un qui va nous intéresser aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Et pour nous parler de cette histoire de la prise de parole et de la mesure de la prise de parole, la surveillance aussi, on peut le dire, avec nous Pierre Carilla-Cohen. Bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Rennes 2 et vous êtes spécialiste de l'histoire de l'État, de la police, de l'enquête. Oui, l'enquête. Alors l'enquête, nous avons évoqué les pétitions du 19e siècle. Alors l'enquête, aussi grand phénomène du 19e siècle. Et vous êtes l'auteur de L'État des esprits, l'invention de l'enquête politique en France, 1814-1848. Et aussi, vous avez dirigé un ouvrage, S'exprimer en temps de troubles, conflits, opinions et politisation de la fin du Moyen-Âge au début du XXe siècle. Dites-nous, Pierre Carilla Cohen, ces enquêtes, alors là aussi, nous sommes vraiment sur un phénomène XIXe siècle, au sens où le pouvoir cherche à comprendre, à entendre ce qui peut se dire. Oui, alors j'ai simplement ouvert les cartons des Archives nationales. Et j'ai constaté que, à partir de la Restauration, au tout début de la Restauration, s'inventait un genre d'enquête très spécifique sur, je cite les noms qui sont donnés à ces enquêtes, sur l'esprit public, sur l'opinion publique, sur la situation morale et politique, sur l'état des esprits. Et donc, il s'agissait de faire à la fois une description et une analyse de l'opinion départementale. C'était les préfets qui étaient chargés principalement d'analyser cette opinion, mais aussi d'autres personnages comme des commissaires généraux de police ou d'autres encore. Ensuite, ça va s'étendre aux procureurs, aux officiers de gendarmerie. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas auparavant, notamment la Révolution. Vous avez cité des brochures de la Révolution à l'opinion publique. La Révolution avait aussi engagé des enquêtes sur l'état des esprits, notamment le ministre Gara en 1793. Mais le fait que le thème unique de ces rapports administratifs soit l'opinion publique est quelque chose vraiment d'assez nouveau à partir de la Restauration. Oui, vous avez raison, Pierre Carilla Cohen, il faut toujours se décentrer et votre étude importe sur le début du 19e siècle, la vôtre aussi, hein, Benoît Agnès, mais vous nous dites déjà qu'il faut regarder ce qui s'est passé sous la Révolution, moment essentiel, et on peut encore étendre la réflexion. Je vous propose d'écouter l'historienne Arlette Farge qui parlait dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance sur France Culture, c'était le 25 juin 2010. Arlette Farge évoquait l'intérêt du pouvoir pour tous les bruits, pour toutes les rumeurs. La lieutenance générale de police, qui est créée en 1667 pour être exact, donc à la fin du XVIIe siècle, est en fait en quête perpétuelle de ces bruits, de ces rumeurs. Les policiers se déguisent très facilement pour entrer dans les cabarets, pour être sur les places des carrefours, sur les marches des églises, dans les promenades, pour écouter ce qui se dit. Et c'est dans une espèce de schizophrénie très très particulière, puisque de toute façon, on pense que le peuple est inepte, imbécile, femelle, comme il est dit à l'époque, et qu'en même temps, chaque mardi matin, le lieutenant général de police va chez le roi, ce qui n'est quand même pas rien, va tous les mardis matins à Versailles, et en fait, raconte et dit ce qui s'est dit grâce à ses stipendiés, à ses officiers de police qui lui sont dévoués, ce qui s'est dit dans la rue. C'est bien donc, effectivement, qu'il y est très très attaché et qu'il a peur de cette parole, en tout cas qu'il veut en savoir le contenu. Voilà, le roi veut savoir ce qui se dit dans la rue. Arlette Farge évoque les bruits, les rumeurs. Il faut toujours faire attention à l'utilisation du vocabulaire. Et quand nous parlons d'opinion publique, surtout pour les temps passés, il faut tout de suite préciser de quoi nous parlons. Pierre Carilla Cohen, qu'est-ce que l'opinion publique? Est-ce que cette notion est valable pour le 19e siècle? Oui, bien sûr, elle l'est. Tout d'abord, puisque vous avez passé un extrait d'Arlette Farge qui a écrit des très beaux travaux sur cette notion, c'est vraiment le XVIIIe siècle, ça beaucoup d'historiens l'ont montré à la suite des travaux de Jürgen Habermas, Case Baker, Mona Ozouf, c'est vraiment le XVIIIe siècle, les Lumières, qui inventent d'une certaine manière le sens moderne de l'opinion, comme étant une sorte de vis-à-vis du pouvoir, un vis-à-vis critique qui cherche justement éventuellement à éclairer les méfaits, l'arbitraire du pouvoir, à faire de la transparence. Bon, l'affaire Callas, c'est une grande affaire où on s'adresse à l'opinion publique. Donc ce changement vraiment dans le sens même du mot et son son importance, ce sont les Lumières. Et puis, sous ce qui m'intéresse, moi, au début du 19e siècle, sous la restauration de l'Archétuyer, c'est plutôt la banalisation de l'usage de la notion dans le débat politique, quotidien, à la Chambre, dans les journaux. L'opinion publique est omniprésente. On ne cesse de dire que cette opinion publique gouverne le monde, qu'aucun régime ne peut se passer du soutien de l'opinion publique. On attribue la chute de Napoléon Bonaparte au fait qu'il n'aurait pas tenu compte de l'opinion publique, en oubliant peut-être certains événements militaires. Donc c'est vraiment un lieu commun à l'époque, très important, qui est contemporain de la mise en place du parlementarisme et de l'essor de la presse. Mais justement, cette opinion publique, on pourra parler aussi de la notion d'esprit public plus tard, mais cette opinion publique, c'est l'opinion des classes raisonnantes, des classes qui peuvent opiner, qui peuvent penser. Donc on est vraiment dans le temps censitaire. Et donc il y a d'une part l'opinion publique des classes raisonnantes, et puis d'autre part d'autres choses, d'autres sentiments, d'autres instincts qui sont plus bas, plus vils, et qui ne peuvent pas prendre ce nom d'opinion publique. Voilà, les classes qui peuvent opiner, qui peuvent dire oui au nom de la tête, c'est valable avec une pertinence dans ce suffrage que vous avez évoqué, censitaire, parce que dans la période que nous évoquons, en tout cas avant 1848, il faut bien le rappeler, hein, Benoît Agnès, nous sommes avec un suffrage censitaire, c'est-à-dire que seuls ceux qui payent l'impôt, le cens, peuvent voter, tout le monde ne vote pas. Et dès lors, la mesure, l'écoute de ce qui peut se dire, donc des plaintes, hein, parce qu'il y a des colères, eh bien, est quelque chose d'essentiel. Hors de l'élection, il y a aussi possibilité d'expression. Oui. On est dans une situation, et il est vrai que pour la plupart d'entre nous, il est délicat aujourd'hui d'en avoir pleinement conscience, dans une situation politique où seuls, en fait, les plus riches peuvent voter. Pour le dire très simplement. Alors, les plus riches, c'est un niveau d'impôt. On ne peut pas vraiment parler, me semble-t-il, de droit de vote à l'époque, de ce fait. On parlerait plutôt, pour reprendre le vocabulaire politique de l'époque, de fonction électorale. Une fonction électorale qui n'est attribuée qu'à des personnes qui payent un certain niveau d'impôt direct. Si on est d'un franc au-dessus, puisque les francs existaient encore, c'est bon. Si on est un franc en dessous, tant pis pour vous. Donc il y a aussi tout un effet de seuil qui crée aussi un grand nombre de contestations. Et bien souvent, en fait, les revendications qui s'expriment en la matière sont plus des revendications d'avancée démocratique, c'est-à-dire d'élargissement du cens, c'est-à-dire aussi d'adjonction de nouvelles catégories en dehors des simples critères censitaires, c'est-à-dire des simples critères de paiement d'impôts directs, plutôt donc que l'ouverture vers une véritable démocratie, qu'on appelait d'ailleurs alors beaucoup plus souveraineté populaire ou souveraineté du peuple que démocratie, puisque la démocratie, c'est la démocratie qu'on l'on attribuait aux anciens Romains, qui était celle des Athéniens de l'époque classique des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ, bref, de ces géants de l'Antiquité, sur les épaules desquels, nous, les nains du 19e siècle, nous étions jugés, pensaient les personnes de l'époque. Avec toujours cette réflexion liée à la temporalité, parce que dans un système électoral où tout le monde ne vote pas, déjà, rappelons-le, c'est masculin uniquement. Et ça, c'est... Ah, oui. C'est énorme, déjà. Oui, enfin, si vous permettez, la réflexion d'Arlette Farge qui reprenait les mots, je crois, du lieutenant de police disant que en quelque sorte cette opinion, ou tout au moins ces rumeurs et ces bruits étaient femelles, il faut voir aussi que l'expression légitime et légitimée surtout d'une opinion était bien souvent bornée au strict masculin. Et ça pose tout un problème aussi du point de vue de la prise de parole publique pour les femmes. Et en fait, pour dire les choses simplement, tant qu'on est en matière politique, les femmes elles-mêmes, bien souvent à l'époque, ont intériorisé, à de rares exceptions près, mais ces exceptions sont notables et ont fait l'objet d'études, je pense notamment aux travaux de Michel Rio-Sarcey ou d'autres personnes qui ont vraiment investi cette question, dans la sphère politique, pas d'expression légitimée, légitimante, et on n'a pas véritablement, dans la gente féminine, intégré le fait que l'on pouvait prendre la parole. En revanche, dans la sphère sociale et notamment dans la sphère économique, et par le biais des pétitions notamment, on le voit, il y a des femmes qui, sinon, rédigent des pétitions, du moins les signent et sont en quelque sorte autorisées par la majorité masculine, légitime, propre, à prendre la parole, eh bien, peuvent donc les signer. Oui, la pétition est essentielle en cela parce qu'elle échappe au moment électoral. Oui. Elle permet à ceux, à celles qui n'ont pas accès au vote, alors ceux parce qu'ils ne payent pas assez d'impôts, celles parce que par le fait elle ne peut pas voter, de prendre la parole. Mais tout cela est aussi une question de temporalité. Pierre Carilla Cohen, le moment de l'élection est un moment extrêmement court. C'est une journée, disons, pour le vote. On peut l'étendre au 19e siècle, quelques semaines de campagne électorale. Mais le temps du gouvernement est un temps plus long. Et la mesure de l'opinion publique est nécessaire pour alors conforter le pouvoir, rassurer le pouvoir aussi. Et au-delà de l'élection, au XIXe siècle se développe cette idée pour le pouvoir qu'il est nécessaire d'écouter presque au quotidien la population. Oui, effectivement, et c'est là qu'on retrouve la notion d'esprit public, même au-delà de l'opinion publique. L'opinion publique, donc, est très strictement limitée dans son sens socialement et dans son genre, comme on vient de le dire. L'esprit public, c'est une notion qui est plus complexe, qui a davantage de sens divers. Il y a d'abord une connotation très policière dans l'esprit public. On essaye de voir si l'ordre va régner, et donc pour cela on doit aussi surveiller ceux qui ne votent pas, qui sont quand même l'immense majorité de la population. Et puis l'esprit public, il y a aussi dans cette notion l'idée d'unité, voire d'une forme de patriotisme, de capacité à laisser ses intérêts privés pour l'intérêt général. Donc ces rapports que signent les préfets, les sous-préfets, les procureurs, etc., s'intéressent beaucoup à cette dimension diverse de l'esprit public. En janvier 1815, le jeune Guizot, qui n'est pas encore le Guizot de la monarchie de Juillet, qui devient secrétaire général du ministère de l'Intérieur, signe une circulaire où il explique au préfet comment surveiller cet état des esprits, l'esprit public. Il dit même il est facile de calculer cet esprit public, donc avec vraiment une dimension presque statistique et quantitative. Et parmi les moyens qu'il donne pour lire cet esprit public, il y a pour les classes raisonnantes le fait de lire tel ou tel journal, les conversations dans les salons, la participation ou non au bal de la préfecture, car s'ils ne viennent pas, cela veut dire qu'ils boudent le régime. Et puis pour les classes, la ville multitude, disons, est-ce que les impôts sont payés, est-ce qu'il y a des manifestations, est-ce que l'approvisionnement est bon, parce que s'il n'est pas bon, ça peut causer des désordres. Est-ce que il y a beaucoup de crimes et délits, etc. Donc cette mesure de l'opinion et de l'esprit public, elle se décline selon les groupes sociaux et dans une vision, voilà, qui est très portée par les représentations du temps sur les capacités des uns et des autres. Et puis il faut chercher où s'exprime la parole publique, où trouver cet esprit public. Pierre Carilla Cohen, nous entendons bien que il suffit de relever le nombre de crimes, les protestations, etc., qui apparaissent de manière très nette. Et puis il faut aussi envoyer les policiers écouter un peu ce qui se dit. C'est notamment toutes ces discussions de comptoir. Eh bien justement, écoutons quelques paroles de Bristrot, oui, des brèves de comptoir, mais à travers le film de Jean-Michel Ribes. C'est un film de 2014. T'es bien rentré hier soir ? Je sais pas comment on est rentré, mais on est rentré. C'est moi qui t'ai ramené. Tu m'as ramené ? C'est André qui m'a dit que je t'avais ramené. On devait commencer le défilé à 15h, il est 17h et on attend toujours Blanche-Neige. Mais moi, je m'en branle de Blanche-Neige. La chirurgie esthétique, avec un trou du cul, ils te font un œil. Et les grands brûlés, on leur prend la peau des fesses et on la met sur la figure. Moi, je fais plus la bise, je serre la main. Oh, ça, c'est un vrai café, ouvert sur l'Europe. Bravo et vive le bistrot français! Ce qu'il faudrait, c'est que ceux qui ont donnent à ceux qui n'ont pas. T'es bourré. Dans ce film de Jean-Michel Ribes, Bref de comptoir, nous entendons toutes ces paroles de bistrot. Alors il y a des paroles légères évidemment qui parlent du quotidien, qui évoquent plein de choses, mais au milieu de ça, il y a des moments politiques. Il y a l'expression d'un avis, d'une colère parfois. Pierre Carilla Cohen, comment est mesurée cette expression politique à l'intérieur? Alors là, nous pouvons dire le bistrot, mais il y a aussi le marché, tous ces éléments-là. Alors le bistrot a peut-être un peu disparu, j'imagine, mais la fréquentation des politiques sur les marchés est toujours présente. Donc ce recueil des bruits urbains, on a bien vu tout à l'heure avec la rue parisienne du XVIIIe siècle que c'est quelque chose d'assez traditionnel dans les pratiques de police, et ça a été très développé également sous l'Empire, le ministère de la Police Générale, les bulletins de police qui parvenaient tous les jours sur le bureau de Fouché, puis de Napoléon, relevant tout ce qui se passe, c'était l'expression, tout ce qui se passe. Du plus insignifiant au plus signifiant, justement. Dans les rapports préfectoraux sur l'esprit public, l'état des esprits, la situation morale et politique de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, et même plus tard, ce ne sont que des éléments, on va dire élémentaires, à partir desquels on fabrique le rapport, et souvent, ils sont traités avec un certain mépris. Je vous renvoie notamment au beau travail de François Plou sur les rumeurs, où les préfets, justement, les sous-préfets, rapportaient ces rumeurs, notamment sur le fait que Napoléon ne serait pas mort après 1821, rapportaient ces rumeurs en montrant bien qu'on avait là une nouvelle expression de l'immaturité du peuple, de sa stupidité, etc. Donc, ces bruits faisaient partie de la collecte, mais n'étaient qu'un élément d'une opinion d'un homme de qualité sur l'opinion. Voilà. Avec la réflexion des gens du 19e siècle sur ce qui s'est passé avant, je pense au moment révolutionnaire où la parole a été complètement libérée, qui est un moment essentiel et qui draine la manière de penser au 19e siècle. Mais il y a d'autres modèles qui s'imposent aussi en France au 19e siècle. C'est le modèle anglais. Benoît Agnès, vous avez travaillé sur les pétitions. Alors, les pétitions aux parlementaires, donc quand on envoyait des pétitions jusqu'en haut, jusqu'à la Chambre des députés, en France et au Royaume-Uni. Pourquoi ce choix du Royaume-Uni? Le modèle anglais reste une référence pour la prise de parole, pour le débat. Alors, bien entendu, ce choix du Royaume-Uni n'est pas paradoxal au regard du récent Brexit, qui pourrait apparaître comme un épiphénomène au regard du temps long. On verra ce que l'avenir dit de ce côté. Mais en tout cas, pour ce qui est du 19e siècle, la comparaison semble, en tout cas m'a semblé et a semblé à un certain nombre de personnes tout à fait pertinente entre ces deux royaumes, entre ces deux entités politiques qui n'ont en réalité qu'un bras de mer de différence et ont en fait, au fond, un bras de mer en commun. Puisque on se retrouve avec des passages, des fluctuations entre ces deux royaumes, et notamment du point de vue des modèles politiques, des modèles de mobilisation politique, mobilisation pétitionnaire, mais mobilisation aussi de toute forme de prise de parole publique, des passages à sens unique. À sens unique depuis l'Angleterre. Je ne dirais pas le Royaume-Uni tout entier, parce qu'il y a des différences entre les modèles à l'intérieur, entre la manière d'exprimer les choses, entre l'Angleterre d'une part, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande d'autre part. Mais pour faire un ensemble, entre l'Angleterre et la France, on a une sorte de, semble-t-il, de passage à sens unique. Presque jamais, les Britanniques ne vont explicitement s'inspirer d'un modèle français qui plutôt sert de repoussoir. En revanche, c'est lié à la Révolution française. En revanche, le modèle britannique, quant à lui, en tant que modèle d'une monarchie constitutionnelle qui commence à avoir pour elle l'avantage d'une expérience de plus d'un siècle, après 1688 et la Glorieuse Révolution, eh bien, et d'un modèle apaisé, d'un modèle aussi qui semble bien réglé, c'est un modèle qui semble justement pertinent, qui semble convenir pour la nouvelle France que les classes qui se disent éclairées, les classes qui s'estiment légitimes à parler en public, appellent de leur vœu. Oui, parce que c'est un phénomène qui n'est pas uniquement national, hein, cette réflexion autour de l'opinion publique. Et sur cette réflexion autour de l'opinion publique, avec toute l'équipe du cours de l'histoire, Marion Dupont, Anne Toscan-Judès, Odile Jouessel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou, nous nous sommes réunis. Était aussi présent Éric Lancien qui réalise cette émission avec aujourd'hui à la technique Clément Daté. Et nous nous sommes dit... Diantre, nous n'écoutons pas assez Edith Piaf. Alors, nous avons regardé dans les albums d'Edith Piaf, et formidable, il y a une chanson intitulée « Opinion publique ». Nous écoutons Edith Piaf. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Son histoire a commencé par marcher derrière son dos et rentrer dans les cafés en parlant à demi-mot. Et pendant qu'il buvait, son histoire s'en allait en laissant comme pourboire des « on dit » sur le comptoir. On dit qu'il a, on dit qu'il est, on dit qu'il a fait ceci, a fait cela, et qu'il a dit ça. Les maisons de sa ville ont les yeux de rideau, blanc regard qui le file et se cloue dans son dos. C'est la ronde assassine qui l'étouffe et l'efface, met son cœur en vitrine et son nom sur la glace. On dit qu'il a, on dit qu'il est, on dit qu'il a fait ceci, a fait cela, et qu'il a dit ça. Non, il a dit ça. Oui, il a dit ça. Mais c'est dur à supporter, un salaud préfabriqué qu'on habille de votre repos et qui porte vos chapeaux. Un beau jour, il s'est mis au milieu des on dit sur la place du marché de sa ville en dimanche. On dit qu'il a, on dit qu'il est, on dit qu'il a fait. Il a crié, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils ont fait la pirouette et la main dans la main. Leur esprit de girouette a changé de refrain. Ils avaient un coupable, ils en font un mécène. Le voilà formidable, mais les mots sont les mêmes. On dit qu'il a, on dit qu'il est, on dit qu'il a fait ceci, a fait cela, et qu'il a dit ça. Non, il a dit ça. Oui, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Oui, il a dit ça. Non. Oui. Non, bah si, il a dit ça. C'est Edith Piaf, l'opinion publique dans le cours de l'histoire sur France Culture. Aujourd'hui, nous nous intéressons au débat public. Que faisons-nous du débat public? Comment s'exprime l'opinion publique? Que faisons-nous du débat public? Et puis, qu'en fait l'autorité elle-même? Pierre Carilla Cohen, quelles sont ces enquêtes politiques au XIXe siècle? C'est un phénomène qui est intriguant au sens où il demande le déploiement d'une énergie folle. C'est quelque chose d'important, ces enquêtes politiques du XIXe siècle. Oui, c'est important à plusieurs points de vue. D'abord d'un point de vue intellectuel, tout simplement, du point de vue des savoirs. On est aussi dans une époque de statistiques, d'enquêtes sociales. Donc c'est une des manières de se pencher sur la France du premier 19e siècle, la France post-révolutionnaire, avec une certaine inquiétude des contemporains sur la légitimité politique, sur la stabilité politique. Et donc c'est une sorte d'auto-analyse qui m'a paru vraiment très intéressante à interroger comme des enquêtes, justement. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant d'un point de vue intellectuel? Dans la conception même des questionnaires, je vous parlais tout à l'heure de la circulaire de Guizot en janvier 1815, qui est vraiment très intéressante comme une sorte de vade-mecum pour les préfets, afin qu'ils puissent remplir leur rapport sur l'opinion. Vous en avez aussi une autre à peu près au même moment, Beugnot, un tout petit peu plus tôt, une série de 29 questions en fait qui anticipe d'une certaine manière la science politique contemporaine, qui essaye de comprendre en fait les variations de l'opinion et le fait que l'opinion publique ne soit pas la même dans tel département ou dans tel autre. Qu'est-ce qu'on demande, Pierre Carilla Cohen, d'ailleurs, ces questions ressemblent à quoi? Et donc, dans le questionnaire de Beugnot, c'est est-ce que l'appartenance religieuse influe sur l'opinion ? Est-ce que les villes ont la même opinion que les campagnes ? Est-ce que les souvenirs de la Révolution ont un effet sur l'opinion ? Donc, il y a tout un questionnement sur les paramètres, les facteurs qui peuvent expliquer telle ou telle variation de l'opinion. Et puis, cette invention, elle ne se fait pas que du haut vers le bas, et d'ailleurs, elle se fait beaucoup plus du bas vers le haut. Certains préfets, enfin, la plupart des préfets, en fait, noircissent du papier et, voilà, rendent leur copie, disons, pour qu'on ne leur tape pas sur les doigts. Et puis, d'autres essayent d'imaginer des manières de saisir l'opinion, à la fois des indicateurs et des paramètres pour comprendre pourquoi l'opinion de telle ville présente telle sensibilité et telle autre sensibilité. Donc, vous avez des tas d'explications différentes. Certains expliquent les choses par les différentes classes sociales, les différentes professions. Ils font une sorte de typologie sociale des opinions. D'autres s'intéressent au lieu, à la variation géographique à l'intérieur d'un département, avec parfois des explications qui nous font sourire aujourd'hui. Vous avez des explications néo-hippocratiques liées à l'environnement, mais aussi au climat. Par exemple, un préfet du Loir-et-Cher explique que les populations de son département sont tièdes politiquement parce qu'à la rencontre des vents du nord et du sud. Donc, évidemment, ça nous fait sourire, mais c'est une manière d'essayer de trouver une raison à l'état des esprits à tel moment. Vous avez tout un tas d'explications qui sont données et qui varient donc selon les administrateurs. Et c'est en cela que cette histoire administrative est intéressante à mener. C'est qu'elle n'est pas simplement une application de directives venues du haut. Elle est une invention de savoir, une volonté de compréhension de ces populations qui donne à penser. Après, oui. Allez-y. Après, l'usage politique, c'est-à-dire que ces enquêtes sont beaucoup plus intéressantes, on va dire, sur le plan du savoir, sur le plan de l'exploration des imaginaires de ces administrateurs et des gouvernants. Ils sont beaucoup plus intéressants à étudier dans ce sens-là que pour réellement avoir accès aux opinions des classes populaires. J'ai utilisé une formule en paraphrasant Nicole Leroux en disant les préfets ne sont pas des collègues. Ce qui est intéressant dans ces rapports, c'est davantage l'imaginaire préfectoral sur l'opinion que l'opinion elle-même, parce que il y a beaucoup de biais sociaux, de représentation, etc. Politiquement. Voilà, c'est la dernière phrase. Et après, politiquement, on est en duplex, donc c'est parfois difficile. Politiquement, l'usage de ces rapports, en revanche, était très limité. C'est-à-dire que vous avez une commande de rapports qui est très très très fréquente et régulière, et en même temps on a l'impression que le pouvoir en fait ne les lit pas, ne les utilise pas, y compris lorsque de bons conseils peuvent être donnés sur le gouvernement de l'esprit public. Voilà. Pierre-Carré Lacohen, d'ailleurs, j'en profite pour remercier les équipes de France Bleu Armorique qui nous permettent de vous avoir aujourd'hui donc en duplex. Et vous évoquez cet imaginaire du pouvoir. Le pouvoir qui commande des enquêtes, ces enquêtes, alors, est assez étonnante, hein, ces enquêtes politiques qui créent un imaginaire. Mais parfois, c'est par le bas qu'arrive l'information. C'est le cas lors des pétitions. Alors là, quelle est la considération que le pouvoir peut accorder à ces pétitions? Je vous propose d'écouter ce que disait le baron Pasquier, alors ministre d'État, le 14 janvier 1820, à propos de ces pétitions. C'est un texte qui nous est lu par Maïwenn Guizhou. Tant qu'une pétition n'est que l'expression d'une doléance, d'un déni de justice, d'une infraction aux lois, elle est sacrée à nos yeux. Elle nous révèle les souffrances d'un de nos concitoyens, notre cœur vole au-devant de lui, nous prenons à l'instant sa défense. Ce n'est qu'un intérêt privé, mais sa plainte a l'accent de la vérité. Elle se fonde sur un tort, sur un abus, sur une injustice. En l'examinant avec soin, nous remplissons des devoirs aussi doux que sacrés. Nous accueillons le malheur, nous protégeons la faiblesse contre la force. Nous devenons la sauvegarde et l'appui de l'orphelin de la loi. Mayouen Guizhou qui nous lisait cet extrait d'un discours du baron Pasquier à la Chambre en janvier 1820. Benoît Agnès, ces pétitions alors concernent beaucoup les individus. Donc là, c'est une pétition pour obtenir un secours, pour obtenir une aide. Est-ce que l'expression politique apparaît beaucoup dans ces pétitions ? Alors dans ces pétitions justement qui se trouvent illustrées par la déclaration du baron Pasquier et ministre en 1820, ici on a plutôt l'illustration de la pétition d'ancienne manière, la pétition qui est acceptée politiquement par les autorités politiques en place à l'époque, qui, faut-il le dire, sont des autorités politiques proprement réactionnaires. C'est-à-dire des autorités politiques qui souhaitent revenir en arrière à peu près en tout point, et notamment revenir à l'avant 1789. Là, c'est acceptable parce que cette pétition, elle est personnelle, individuelle, et elle ne fait jour qu'à des choses individuelles. Certes, il peut y avoir aussi, à l'intérieur de ces pétitions, parfois, des éléments politiques qui s'instillent. Je pense notamment aux pétitions qui sont envoyées à la Chambre des députés, qui sont même envoyées à d'autres institutions, puisqu'en fait, on peut envoyer des pétitions à toutes sortes d'institutions. Les pétitions, donc, qui sont envoyées par les membres de la Légion d'honneur. À l'époque, les membres de la Légion d'honneur n'étaient pas, pour leur grande majorité, des personnes qui n'avaient pas servi militairement, mais plutôt civilement, et à l'époque c'était surtout des personnes qui avaient servi et souvent servi dans la grande armée napoléonienne. Ces légionnaires, comme on les appelait à l'époque, ils demandaient bien souvent des arriérés de soldes, parce que disons qu'on négligeait de le leur servir, et ils en avaient besoin, parce que bien souvent ils étaient quant à eux en demi-solde, ou alors leur solde était trop maigre par rapport justement à leur blessure qui les empêchait de faire toutes sortes de métiers. Donc ils demandaient des arriérés de solde. À l'intérieur d'un certain nombre de ces pétitions, alors on retrouve déjà un bon nombre de dossiers, absolument exceptionnel ces dossiers, parce que ces personnes sont souvent tellement désespérées qu'elles envoient les originaux de leurs dossiers. On voit ainsi des personnes qui parfois commencent leur carrière militaire en 1792 ou en 1793, des soldats de l'an 2, qui ne terminent véritablement, avec de très brefs intermèdes, que en 1814 peut-être, c'est-à-dire des personnes qui sont des chevaux de guerre pendant une vingtaine d'années sans doute. Et ces personnes donc arrivent et bien entendu font part de manière plus ou moins feutrée, de manière plus ou moins ouverte, de leur amertume à l'égard d'un pouvoir qui les néglige, à l'égard d'un pouvoir qui répugne à entendre leur voix parce qu'il les répugne tout simplement à reconnaître leur existence. Et donc ça s'instille de cette manière-là. Mais vous avez aussi en 1820, au moment où le baron Pasquier justement répond à ces contradicteurs, parce que vous voyez peut-être aussi, et on peut voir en creux toute la charge polémique de cette assertion tout à fait positive du baron Pasquier. On peut voir aussi que c'est en réponse au flot montant des pétitions collectives et pour le coup proprement politiques que le baron Pasquier se fait le défenseur de l'arrière-garde pétitionnaire. C'est-à-dire, il fait face à quel flot montant ? Le flot montant des, si je me souviens bien, 766 pétitions qui sont arrivées sur la table du président ou sur la table tout simplement de la Chambre des députés en 1820, ou plutôt en 1819, pour demander le maintien de la loi électorale de 1817. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y avait de très grands dangers à ce moment-là que cette loi électorale soit rapportée, c'est-à-dire qu'elle soit modifiée, et modifiée dans un sens restrictif, avec beaucoup moins d'électeurs censitaires. Ça va d'ailleurs être le cas dans les mois qui suivent, puisque va être adoptée la loi du double vote, qui va créer deux niveaux de collèges électoraux, des collèges d'arrondissement, des collèges départementaux, avec des personnes qui pourront voter deux fois parce qu'elles seront plus riches dans les collèges départementaux. Avec toute cette réflexion que l'on a sur où prendre la parole, nous l'avons imaginé, hein, il y a la parole individuelle, domestique, il y a la parole un peu plus public, dans les bars, à l'extérieur, dans la rue. Et puis, il y a l'action d'écrire, mais avec toujours cette limite de dire « j'écris, mais j'écris à un pouvoir ». Et en tant que solliciteur, il est difficile de critiquer le pouvoir. Ce qui nous donne ce monde des girouettes. Écoutez cette chanson de 1814, c'est un chant anonyme et qui est dédié à Benjamin Constant, donc qui s'était opposé à Napoléon et qui s'est rallié à Napoléon. Oui, nous sommes dans le temps des girouettes. Le matin royaliste, je dis vive Louis. Le soir bonapartiste, pour l'empereur j'écris. Suivant la circonstance, toujours changeant d'avis. Je mets en évidence l'aigle ou la fleur de lys. Un chant anonyme qui est au sortir de l'empire de Napoléon. Et puis, ça y est, c'est la Restauration avec le roi Louis XVIII. Ces girouettes. Ces girouettes nous intéressent politiquement parce que ces girouettes, cela signifie qu'elles ont une action politique. Tous ceux qui n'ont pas d'action politique, nous sommes avec un suffrage censitaire. Ceux qui payent l'impôt et d'ailleurs un certain impôt peuvent voter. Est-ce que le pouvoir s'intéresse à tous ceux, en fait, qui n'ont pas accès au vote? Pierre-Carrie Lacohen. En fait, s'ils n'ont pas accès au vote, ils n'ont pas d'influence sur l'élection. C'est logique, mais ils peuvent avoir une influence sur la santé du corps social, sur l'émeute notamment. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que cette notion d'esprit public est très importante, parce qu'elle porte cette dimension de surveillance policière également. Vous avez aussi toute une réflexion au début sous la Restauration sur la nécessaire prise en compte des sentiments publics, de l'état des esprits en général. Il y a des très belles brochures de Guizot, encore lui, au début des années 1820, qui explique que désormais, si on veut gouverner, il faut connaître, je le cite, l'hygiène du social, c'est-à-dire tout ce qui meut la société, et donc pas seulement ce que veulent telle ou telle personnalité qui serait plus en vue. Il explique, Guizot, que nous ne sommes plus autant des meneurs, nous sommes autant des émotions, nous sommes autant d'une pensée sociale plus diffuse, d'une pensée politique et sociale plus diffuse, qui ne s'incarne pas simplement en quelques personnalités. Et donc, il faut vraiment avoir une vue exhaustive sur l'ensemble de la société, ses sentiments, ses passions, ses opinions. Avec la question qui se pose de l'effet de ces enquêtes politiques, parce que le 19e siècle est le siècle de l'émeute, de la révolution. On pourrait dire que le 20e ou le 21e le sont parfois aussi. Est-ce que ces enquêtes ont un effet? Est-ce qu'elles ont une influence sur le pouvoir, Pierre-Carrie Lacohen? Pas vraiment. On a l'impression simplement que le pouvoir, justement, cherche à calmer son angoisse en lançant des enquêtes, mais ensuite n'en utilise pas les éventuels résultats. Alors là, pour le coup, on va quitter les classes les plus populaires même évoquer celles qui peuvent voter. En 1827, vous avez une dissolution de la Chambre qui avait été plutôt déconseillé par les rapports antérieurs des préfets. Cette dissolution, elle aboutit à des résultats inverses à ceux que l'on espérait. Vous voyez bien là qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre l'espèce d'impulsion qui pousse tel ou tel ministre de l'Intérieur à demander, ou un président du Conseil à demander, une enquête sur l'état des esprits, à en faire un exercice régulier, et un usage politique qui paraît à chaque fois, en fait, très faible. Et même ce qu'on cherche, en fait, c'est la confirmation de ce que l'on pense. Même donc, question. Si on n'a pas la confirmation, cela veut dire que on peut aller voir ailleurs. Ça n'est pas très intéressant, très important. Alors, même question pour vous, Benoît Agnès. Ces pétitions ont-elles une influence quand elles arrivent jusqu'à la Chambre du député, ou c'est une pétition municipale ou ailleurs? Je rejoindrai en plein Pierre-Carrie Lacohen dans ce qu'il dit pour ce qui concerne les pétitions. C'est-à-dire que c'est leur influence. Je ne dirais pas qu'elle est à peu près nulle, mais en tout cas, elle n'est pas aussi nulle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, véritablement, pour parler un petit peu du temps présent, on a des pétitions qui arrivent encore peut-être parfois à l'Assemblée nationale. Elles sont en faible nombre et elles sont parfaitement négligé, semble-t-il. Mais pour à la différence d'ailleurs par exemple de la Chambre des communes où là vous avez un système tout à fait élaboré prise en compte de pétitions, prise en compte de pétitions y compris dans le contexte numérique de notre époque avec le développement des e-petitions et donc il y a véritablement un dispositif qui est mis en place au niveau du Parlement britannique, au niveau des différents parlements nationaux aussi, Parlement écossais, Parlement gallois, j'ai pu en étudier et en aborder quelques aspects aussi. En revanche, pour la France, terra incognita. C'est-à-dire que, et ça relève d'un long héritage, et un héritage de cette époque. C'est-à-dire que, on accepte les pétitions, mais on les accepte en quelque sorte avec répugnance. On les accepte pour la forme. Tout au plus, on les utilise pour, disons, faire avancer une idée que l'on a déjà en gésine dans sa tête, que l'on a déjà dans les cartons, des projets parlementaires ou des propositions de loi. Mais disons qu'il n'y a jamais véritablement d'initiative qui est laissée, d'initiative spontanée qui serait laissée à des personnes qui certes pourraient s'instituer comme la voix du peuple, mais que l'on pourrait éventuellement prendre au vol en leur donnant ainsi comme une légitimité seconde et en se mettant d'une certaine manière dans la poche une partie de la population, ce qui pourrait paraître, pour reprendre une expression de l'époque, une manière politique de faire les choses. Cette manière politique, disons qu'une bonne partie du corps politique français, de ce qu'on pourrait appeler ceux qui s'investissent en politique, la néglige de l'utiliser. On pourrait voir, en effet, dans cette négligence, une partie de la mise en place d'une configuration politique propre à faire naître des clivages, propre à aviver des conflits, et des conflits qui ne cessent d'apparaître, qui ne cessent de se raffermir, que ce soit en 1830 ou à la veille de 1848. Voilà, cette révolution de 1848 qui instaure la République, la deuxième République de notre histoire, est intéressante aussi parce que à l'intérieur même de cette République née d'une révolution, il y a de nouveau d'autres révolutions, ce qui tente à faire réfléchir sur la nécessité d'écouter l'opinion publique. Oui, bonne chose, mais alors l'entendre, ça c'est encore quelque chose de bien plus complexe. Merci à vous deux, Pierre Carilla Cohen. Je rappelle le titre de vos ouvrages, L'état des esprits, l'invention de l'enquête politique en France 1814-1848, dont nous sommes héritiers, ces enquêtes politiques, les préfets travaillent toujours encore aujourd'hui. Et puis vous avez dirigé Pierre Carilla Cohen, S'exprimer en temps de trouble, conflit, opinion et politisation de la fin du Moyen-Âge au début du XXe siècle. Et merci à vous Benoît Agnès, je rappelle aussi l'appel au pouvoir, les pétitions au Parlement en France et au Royaume-Uni, 1814-1848. Et il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de poursuivre le débat avec Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'Histoire, comment raconter l'histoire des décolonisations? Oui, de quelle couleur est le débat? Eh bien le débat est ouvert. Cette année, deux séries documentaires ont été diffusées sur des chaînes de services publics, toutes les deux intitulées « Décolonisation ». La première, diffusée en janvier sur Arte, la deuxième sur France 2 la semaine dernière, avec une confusion immédiate entre les deux programmes homonymes qui donnent pourtant des visions très différentes du sujet, parce que loin de voir se répéter la même histoire, on y voit apparaître deux rapports au présent qui les distinguent très nettement. Sous un titre similaire, deux points de vue, deux propositions et même deux attitudes face à l'histoire de la décolonisation aujourd'hui. Cette histoire a laissé des traces indélébiles dans les cœurs et dans les âmes. Je proclame l'indépendance. Le temps des colonies n'est plus, mais les blessures restent vives. Je vous ai compris. Il est temps d'affronter ce passé qui a fait couler tant de sang et de larmes. La série la plus récente, Décolonisation, du sang et des larmes, réalisée par David Cornbrosa et Pascal Blanchard, s'intéresse à la décolonisation française. Le récit se focalise sur le démembrement progressif de l'Empire et se situe d'emblée à l'intérieur même de la matrice coloniale par une séquence inaugurale en 1931 dans l'exposition coloniale internationale de Paris.